Piste 11. Lexique. Exercice 4. 1. Mon numéro de téléphone, 04 10 02 20 13. 2. Voilà le numéro de téléphone d'Agathe. 01 15 17 04 11. 3. Mon numéro de téléphone est le 05 14 12 09 18. 4. 06 08 16 12 10. Voilà le numéro de téléphone de Pierre.